Let's blow star, baby. 9-3. Cannibal Ole, Sacha N. Joe Rasta. Hey yo, un deux. Voilà des mecs pleins de style, arcant sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut placer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre clique, ouais, yo. Ouais, c'est reparti le commando. Et de retour back dans les bacs avec Joe et dans mon dos. La 9-3 connection, yeah. Time face en action. Brasse pour la cache section, ce qui sonne. Faut comme les connes des chics comme coupe les drums. La caisse enlève la, ok la boucle aussi. J'ai juste rappé sur le charlet, j'suis un MC. Et j'veux qu'on comprenne ce que j'dis même si ça choque. J'me fous, j'représente mon bloc, donc renvoie tout de suite. Que j'nique tout pour 9-8, que j't'explique pourquoi hardcore est le bitch, yo. Tu sais où j'habite, là où la grisaille des murs à la longue fissure. Les armures les plus dures, mes yeux ont vu le pire et je vous jure qu'il est indécent de crier que tout bang. Alors qu'autour de nous, y'a tant de gens qui sait, aïe, tu piges ou pas, tu comprends pourquoi. Moi je lâche pas l'affaire, c'est dans les gènes. Hey yo, un, deux, voilà des mecs plein de style, arcant sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut placer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre vision, moi j'ai choisi le clandé. Clandé, clando, clando du mic blindé. Le candé, indépendant, indésirable, indé. Rare coup, ramener le bois. Faire des trous, chaque tête qu'on croise et qu'on voit. Coup de chromie, c'est promis, niqué de rester hardcore. D'abord de bas par le nord, de Tribord à Babor. Voilà le numéro 1 squale, MC jusqu'à la moelle. Moelle, je suis Nokio, une rime te fout à poil. Roulant, flow, coulant, avec chaîne coulant. Réalisateur, joueur, la SP, Toulon. Tourage devient gaga, ton flex baba. Pose pour NTM avec MAS. Ça plaque pas, le style est crypté, c'est pas décodé. Y'a pas de fuite dans le brodé. Échappement, tous rodés, oh. Vrai hip hop donc faudé. Maintenant sans faire trop dé. Fort, savoir qui sont les chefs du club mon hardcore. Hey yo, un, deux, voilà des mecs plein de style, hardcore sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut placer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre beat, yo. Hey yo, un, deux, voilà des mecs plein de style, hardcore sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut placer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre beat, yo. Mes pupilles dilatées, ouais, faudrait que je puisse planter mes dents, pouvoir les serrer jusqu'au sang, faudrait que je puisse communiquer cette douleur intérieure. Vas-y, c'est pas bon là, quand il est comme ça, je te dis, y'a danger. Danger, danger, j'ai dit danger, danger, je me sens à l'étroit, étriqué, raté, aucun moyen d'esquiver. Ce viscéral, cette prison mentale qui est mon quotidien. Chaque jour, je reviens loin, impossible d'y mettre un frein, fatalement tiré vers le bas, par ma parano, qui m'étripe, rentrer, ça t'englace, réalise-o. Tout ça parce qu'on m'a aigri à la base, cherche pas à être en phase avec les autres, je m'en fous, t'étonne pas. Que ça me rase, me demande pas de définir, non. Parce que là je crains le pire, quoique une négation totale. Ouais, je pense qu'on peut le dire, je pense que ça peut suffire. Si tu piges pas, cherche pas, disons mais je cherche pas. Je sais que tu sais pas, d'abord je m'en fous. Hey yo, un, deux, voilà des mecs plein de style, arcant sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut placer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre beat, yo. Un, deux, voilà des mecs plein de style, arcant sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut percer un coup de mic sur le beat, yo. Bruno et notre clic, yo. Chrono, voici masse, prépare l'onomastique, ouais. Bombe plastique sur sonomasse, son mic, les mots mastiques. J'me hisse, me freine encore mes listes péris. Mon history, c'est l'hystérie, Tommy sur scène, masse, release, hystérie. Pour NT, M comme TNT, mon hip-hop expose. J'pose sur Inst, ouais, comme sur Inst, mon sec j'pose. Car ici le nœud, j'nou, ça roule comme pneu. Pneu, coup pneu, truc qui neutralise les puits du pneu. Pneu, mon niche, au menu, c'est wak wak roti. Teste pas, mon chlou, moi j'suis comme Pavarotti. Mon mic, j'ai cite ouais. Comme une tasse qui fait dans deux. Sa sœur, elle kiffe comme boys band. Même les boys bondeux. Bientôt ouais. Hit, j'ai hâte d'être un mythe comme Kéops. Jop pour la maille et reste beau, GG comme Kéops. Mon beau mic, j'ai passé, froissé, pas brassé. Tasse en tasse, c'est pas sur ça, c'est l'hydra combo. Hey yo, un, deux, voilà des mecs plein de style, arcant sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut percer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre beat, hey yo, un, deux, voilà des mecs plein de style, arcant sur le beat. Comme dans la vie, mec y'a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut percer un coup de mic sur le beat, yo. Pour nous et notre beat, yo. Baby, 9-3 connection.